mio vicino, sono molto, molto, molto. Mio vicino, sono molto, molto, molto vicino. Vado dietro, vado dietro, dietro, dietro. Mio vicino, sono molto, molto vicino. Toto. Je galère à trouver des trucs bien, mais c'est du son 3D, quoi. Enfin, le truc, quand ça marche bien, tu crois vraiment, quoi. Tu fermes les yeux dans le noir, tu vois, tu mets ça, tu crois vraiment. T'as un mec, tu vois, qui te fait la coupe et tout ça, quoi. Puis à bout d'un moment, il te met un casque, il te met un sac par-dessus, t'entends le truc, t'as l'impression que t'es. Enfin, c'est. Bon, il marque son 3D, quoi. Mais par contre, c'est vraiment pour que ça soit vraiment bien, tu vois, faut vraiment l'écouter dans le noir. Sí. Ouais, ici quand même. Attends. Ok. Bah ouais, je crois. Ouais. Celui que. Bah, j'ai peut-être avancé 2-3 parties, quoi, mais. Mais tout ici, ouais, fait. Ouais, avec la vidéo bizarre, quoi. Enfin, des coups. Non, bah, carrément. Ici, ouais. faire slash. Ça va plus. Allez, vas-y, encore non. Oui, Serge, au chapeau. Les défoncés. Oui, Serge, au chapeau. Les défoncés. Oui, Serge, au chapeau. Les défoncés. Oui, c'est le Das ist eine Kippenpiet. Im Thank you. Yes. song about going to war. Bert. This is about John. She said, if you're coming from the gun, and he comes back after the war. And she said, Johnny, how in the morning, where are the legs with which you run? Where are the eyes with which you see? Johnny, a hallelujah. Thank you. Shut up. Let's get this fast. Thank you.